Chapitre 8e. Guéritons les joueurs. C'était ce qu'Adeline se demandait. Son projet n'était-il pas ridicule de vouloir guérir les autres quand il ne pouvait pas se guérir lui-même? Pourtant, il fallait qu'il tînt sa promesse. Cette pauvre petite femme était trop touchante dans son désespoir pour qu'il refusât de lui venir en aide. Que de ruines, que de désastres seraient évités si les joueurs ne trouvaient pas ces facilités à emprunter qui, s'offrant à eux, les entraînent et les perdent. Eût-il jamais joué lui-même s'il avait dû tirer de sa poche, où il n'était pas d'ailleurs, les premiers billets de 1 000 francs qu'il avait risqués au baccarat? Auguste, 6 000, 10 000, cela n'était pas bien douloureux à dire. Alors surtout qu'on comptait sur une bonne série, et l'on était pris pour jamais, mieux que personne, il le savait. Combaz, travaillant toute la journée dans son atelier auprès de sa femme, c'était le soir seulement qu'il venait au cercle, après avoir embrassé ses 3 petites filles à moitié endormies dans leur lit blanc. Adeline avait donc la certitude de ne pas le manquer. En se tenant dans la salle de baccarat, il le prendrait à l'arrivée. En effet, le soir même, un peu après 10 heures, Adeline, qui depuis quelques instants déjà était à son poste, le vit entrer d'un air en apparence indifférent, mais sous lequel se lisait facilement la préoccupation. Ses yeux vagues avaient le regard en dedans de l'homme qui suit sa pensée, insensible à tout ce qui vient du dehors. Il alla au-devant de lui. « Je désirais vous dire un mot. »« Mais quand vous voudrez, » répondit Combaz, sans attacher aucun sens à ses paroles, bien évidemment. Arrivé dans son cabinet, Adeline enferma la porte et poussa un fauteuil au peintre. Il s'assit vis-à-vis de lui en le regardant. Bien que Combaz n'eût pas depuis quelques mois l'esprit disposé à la plaisanterie, il était trop resté en lui du rapin et du gamin de sa jeunesse pour qu'il manifestât sa surprise autrement que par la blague. « C'est devant monsieur le juge d'instruction que j'ai l'agrément de comparoir ?» dit-il. « Non devant le juge d'instruction, » répondit Adeline. « L'instruction est faite, mais devant le juge, ou si vous le préférez, devant le président, ou ce qui est le plus vrai encore, devant un admirateur de votre talent, devant un ami, si vous me permettez le mot. » Combaz restait raide, dans l'attitude d'un homme qui se tient sur ses gardes, parce qu'il sent qu'il peut être facilement attaqué. « Je vous remercie, cher monsieur, de ce que vous voulez bien me dire. » Et il enfila une phrase de politesse à laquelle il n'attachait en réalité aucun sens. « Vous ne vous blesserez donc pas, » commença Adeline, « si je vous dis que vous jouez trop gros jeu. » Au contraire, Combaz se fâcha et relevant la tête, « Permettez, monsieur. » Adeline ne se laissa pas couper la parole. « C'est à moi qu'il faut que vous me permettiez, car je n'ai pas fini. » Je n'ai même pas commencé, ce que j'ai à vous dire. Je suis le président de ce cercle. C'est en quelque sorte chez moi que vous jouez. Vous admettrez bien que j'ai le droit de vous adresser mes observations, alors surtout qu'elles sont dictées par votre intérêt. Mais, monsieur, par celui de votre jeune femme si charmante, par celui de vos 3 petites filles que vous venez d'embrasser dans leur lit pour accourir ici et qui demain peut-être seront dans la rue, sans lit, sans pain. Combaz étendit la main pour protester, Adeline la lui prit, et chaleureusement il la lui serra. « Vous voyez que je sais tout. Votre hôtel hypothéqué pour 80 000 francs, vos tableaux vendus à Auguste, vos objets d'art, vos tentures emportées. Qui vous a dit ? Était-il possible que je visse un artiste perdre plus de 200 000 francs ici, sans m'inquiéter de savoir quelles étaient ses ressources, si c'était sa fortune ou le pain de ses enfants qu'il jouait ? C'est le pain de ses enfants. Je ne le permettrai point. Si c'est le président qui vous parle, c'est aussi l'ami qui pense à votre avenir gâché. C'est le père qui pense à vos petites filles, parce qu'il aime la sienne, et que par sympathie, il s'intéresse aux vôtres. Allez-vous les sacrifier à votre passion, vous, un artiste qui avait dans le cœur et dans la tête des émotions plus hautes que celles que peut donner le jeu ? Combaz était dans une situation où la sympathie, même alors qu'elle est accompagnée de reproches, touche les plus endurcis, et il n'était nullement endurci. « Et vous croyez, » dit-il d'un accent amer, « que c'est la passion qui me fait jouer. Passionné, oui, je l'ai été, quand j'étais plus jeune, tout jeune. J'ai passé des nuits au jeu pour le jeu lui-même, et les secousses qu'il donne, mais ce temps est loin de moi. Alors, pourquoi jouez-vous ? » Il secoua la tête, puis après un assez long intervalle de silence, en homme qui prend son parti. « Vous demandez pourquoi je joue ? Pourquoi je me suis remis à jouer après être resté cette année sans toucher aux cartes ? Simplement par calcul, sans aucune passion, pour que le jeu donne au mien ce que mon travail était insuffisant à leur continuer. Notre vie ordinaire, rien de plus. Je gagnais 60 000 francs environ, bon an, mal an. J'ai voulu, quand je n'ai presque plus rien gagné, parce que ma peinture ne se vendait plus, que la transition d'une vie large à une vie étroite ne fut pas trop dure, et j'ai demandé au jeu d'équilibrer notre budget. Il l'a culbuté. Que d'autres gênés comme moi ont fait comme moi. Et comme vous se sont ruinés, s'écria Adeline avec un accent d'une violence qui surprit Combase. Et ont ruiné leur famille. Il manque 2, 3, 10 000 francs pour se remettre en état. On les demande au jeu. Et le jeu vous en prend 10 000, 100 000, tout ce qu'on a. À moins qu'ils ne vous les rendent, on ne perd pas toujours. Cet argument de tous les joueurs ne pouvait pas ne pas toucher Adeline. Sans doute, dit-il, on a de bonnes et de mauvaises séries. Mais depuis 3 mois que vous jouez, vous êtes dans une mauvaise. Ne vous obstinez point. Peut-être, si vous aviez quelques centaines de mille francs derrière vous, pourriez-vous continuer à y attendre la veine. Mais vous ne les avez pas. Ne risquez pas le peu qui vous reste. Puisque ce reste perdu, vous seriez réduit à la misère. Vous, ce n'est rien. Un homme se tire toujours d'affaire. Mais les vôtres, votre femme, vos filles, vous ne voulez pas que leur vie fût amoindrie. Que sera-t-elle quand on les mettra à la porte de l'hôtel où elles sont nées? Et que, brisées ou affolées, vous serez incapables de vous remettre au travail. Pensez donc que par votre fait, elles peuvent mourir de faim, ou ce qui est pire, traîner une jeunesse de misère. Il en est temps, encore, arrêtez-vous. Vous serez gêné, cela est certain. Mais la gêne n'est pas la honte, n'est pas la misère. Vous attendrez. Les temps meilleurs reviendront. Évidemment, Combase était touché. À l'examiner, il était facile de comprendre que ce qu'Adeline disait, il se l'était dit à lui-même bien des fois. Mais par cette répétition, ses paroles avaient pris une force que la conscience seule ne leur donnait pas. Adeline essaya de profiter de l'avantage qu'il avait obtenu. « Vous venez pour jouer ?»« Je sens que je vais avoir une série. C'est ce qui m'a décidé une dernière fois. »« Combien croyez-vous qu'on prêtera ?»« Rien. Alors, j'ai pu me procurer 3 000 francs. »« Eh bien, ne les risquez pas. » Avec 3 000 francs, vous pouvez faire vivre votre famille pendant plusieurs mois. Rentrez chez vous et remettez cet argent à votre femme, qui se désespère en ce moment, qui pleure auprès de ses filles en sachant que vous êtes ici. La joie que vous lui donnerez ce soir sera si grande que si vous vouliez revenir demain, son souvenir vous retiendra. Ce mot qu'Adeline avait trouvé dans son cœur de père et de mari arracha Combase à ses hésitations. Avec un élan d'épanchement, il lui prit la main et la serra longuement. « Je rentre chez moi, » dit-il. « Eh bien, nous ferons route ensemble. J'ai justement à faire place Malesherbes. »« Vous ne vous fiez donc pas à moi ?» dit Combase en riant. Adeline changea la conversation, car s'il était vrai qu'il ne se fiait point à cette bonne résolution d'un joueur, il trouvait imprudent de laisser voir ses doutes. Et jusqu'à la place Malesherbes, ils s'entretinrent de choses et d'autres amicalement, sans qu'une seule fois il fût question de jeu. « Vous voici à 2 pas de chez vous, » dit Adeline, en arrivant à la place. « Bonsoir. »« Je vous porterai les remerciements de ma femme, » dit Combase en lui serrant les deux mains avec effusion, « et je vous conduirai mes 2 aînés pour qu'elles vous embrassent. »« J'irai chercher chez vous les remerciements de Madame Combase, » dit Adeline, « et les embrassements de vos chères petites. Il ne faut pas que vous repassiez la porte du cercle. »« N'ayez pas peur, » dit Combase en riant. Adeline s'en revint à pied, lentement, marchant allègrement, la conscience satisfaite. Il avait sauvé un brave garçon. Sans doute, dans ce sauvetage, il y avait eu bien des choses cruelles pour lui, bien des points de contact douloureux entre cette situation et la sienne. Mais enfin, la satisfaction du devoir accompli le portait, il avait fait son devoir. En passant place de la Madeleine, il hésita s'il rentrerait chez lui se coucher ou s'il irait faire un tour au cercle. Sûr de ne pas se laisser entraîner au jeu ce soir-là, alors qu'il était encore tout frémissant de ses propres paroles, il se décida pour le cercle. Quand il entra dans la salle de baccarat, le croupier prononçait les mots qui, si souvent, retentissent dans une nuit. « Le jeu est fait !» Machinalement, il regarda qui taillait. Un cri de surprise lui monta aux lèvres. C'était Combase. Alors il s'approcha de la table et regarda les enjeux. Environ 20 000 francs, et Combase n'avait plus que quelques cartes dans la main gauche, le reste de sa taille, que ses doigts serraient nerveusement, tandis que sur son visage pâle glissaient des filets de sueur. « Rien ne va plus ?»« À ce moment, les yeux de Combaz rencontrèrent ceux d'Adeline et vivement il les détourna, puis il donna les cartes. Le tableau de droite et le tableau de gauche, ayant demandé les cartes, reçurent l'un un 10, l'autre une figure. Alors une hésitation manifeste se traduisit sur le visage de Combaz, et ses yeux vinrent chercher une inspiration dans ceux d'Adeline. Devait-il ou ne devait-il pas tirer? Si furieux que fut Adeline, il était encore plus anxieux. Le joueur l'emporta sur le président, et ses yeux dirent ce qu'il eût fait lui-même. Combaz ne tira point et gagna. « Je vous disais bien que j'allais avoir une série, » s'écria Combaz en venant vivement à Adeline. « C'est cette certitude qui m'a empêché de rentrer. J'ai pris une voiture et vous voyez que j'ai eu raison. Au moins allez-vous vous sauver maintenant, au plus vite. » Tandis que Combaz changeait ses jetons et ses plaques contre 25 bobies et 2000 francs, Adeline s'approcha de Frédéric. « Je vous prie de faire en sorte qu'il ne soit plus prêté d'argent à M. Combaz. Et pourquoi donc, mon cher président? Il est ruiné. » Il vaut au moins 25 000 francs puisqu'il les empoche. Je désire qu'il les garde. Et la partie, qui la fera marcher, si nous écartons les joueurs? Vous savez bien que ce ne sont pas là nos conventions. Les recettes baissent. Intéressant, le peintre Combaz, sympathique. Je le dis avec vous. Mais si nous éloignons les sympathiques, qui nous fera vivre puisque les coquins ne viennent pas ici?